maman. Pour toutes les mamans. Et pour toi maman, I love you. Ne t'inquiète pas pour tous tes enfants. Sois fière tous les jours pour maman. Ne va pas croire, écoutez ce qu'ils ont pu dire de nous. Oh maman, j'espère être assez sage et retenir chaque leçon dorénavant. I love you, t'es amour, je t'aime, oui. Oh maman, pour ça je ne devais pas fléchir, je me devais d'être grand. Toujours avancer avec en mémoire des bons enseignements. Toi t'es mon seul soutien dans les pires instants. C'est bien grâce à toi si je suis artiste conscient et militant. Tu as sacrifié ta vie, tu as dû te taire pour ma survie. Quand il fallait me protéger, tu as bien réagi. C'était bien naturel, il s'agissait de ta vie. Une part de toi-même, tu ne voulais pas qu'elle soit salie. Ne t'inquiète pas pour tous tes enfants. Sois fière tous les jours, oh maman. Ne va pas croire, écouter ce qu'ils ont peut dire de nous. Oh maman, j'y retenir chaque leçon dorénavant. I love you, t'es amour, je t'aime, oui. Oh maman, sache que j'ai récolté de ton corps, de ton esprit. J'ai avancé grâce au respect de tes mots sur la vie. Les fois où je m'écartais de ce que tu m'avais dit, j'ai dû m'avouer ma bêtise et ma folie. Toutes ces fois ça aurait pu être dangereux pour ma vie. Je suis sûr que ton amour m'a sauvé la vie. Je ne suis plus un bébé, aujourd'hui j'ai grandi. Tu resteras auprès de mon cœur pendant toute ma vie. Ne t'inquiète pas pour tous tes enfants. Sois fière tous les jours, oh maman. Ne va pas croire, écouter ce qu'ils ont pu dire de nous. Oh maman, j'espère être assez sage et retenir chaque leçon dorénavant. I love you, t'es amour, je t'aime, oui. Oh maman, jamais les mots ne suffiront en fait. C'est bien au-delà que mon âme t'aime et te respecte. Si ça se voit pas, c'est que je le ressens en fait. Plus qu'une image, c'est un sentiment que je grave dans ma tête. Si jusqu'à présent je reste un faible dans leur monde d'argent, je garde ma force, mon énergie, mon cœur, je l'appelle maman. Bien plus fort pour pardonner, pour aller de l'avant. Et me reprendre, me corriger de temps en temps. Je t'aime.